العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله والله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء وأسأل الله جل جلاله أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا لنا في ديننا ودنيانا وأخرانا الله نسأل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وهذا اللقاء من فضل الله جل جلاله علينا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء أيها الإخوة هذه المجالس هذه النصائح وهذه المواعظ تحتاج إليها القلوب ذكر الله دواء كما قال العلماء رحمة الله عليهم جميعا فأولا نشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء مع إخواننا على مائدة القرآن والسنة ومن أجل التعاون على البر والتقوى كما أمرنا ربنا جل جلاله في كتابه وهو جل جلاله أصدق القائلين قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وهذا اللقاء من أجل التعاون على الخير ومرسي الله سبحانه وتعالى celui qui nous a facilité cette rencontre et cela fait partie des grâces d'Allah Jalla Jalalu sur nous Seul Allah subhanahu wa ta'ala donne ses grâces à qui il veut. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que cette rencontre soit utile, bénéfique pour nous dans ce bas monde et l'au-delà. Mes chers frères fillah, sachez que les rappels les conférences, les exhortations et autres, le cœur en a besoin. Les cœurs ont besoin de cela. Les savants disent, ceux d'avant et ceux de maintenant, que le rappel d'Allah, le fait de se remémorer, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, le fait de se remémorer, évoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, dans les assises, cela est le remède du cœur. Et les cœurs ont besoin du rappel, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette rencontre, Inch'Allah ta'ala, qui est basée sur le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salat wa salam, على فهم سلف الأمة ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد أيها الإخوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره وحسنه العلامة الشيخ الباني رحمة الله عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui a rendu authentique le grand savant, l'érudit Cheikh Albani rahmatullahi alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens: l'union, dans l'union il y a la miséricorde, et dans la division il y a le châtiment. Ayyuha al-ikhwa, al-jama'a يسبب رحمة الله ورضوان والصلوات والسعادة في الدنيا والآخرة وبياض الوجه. أما الفرقة تسبب عذاب الله والسواد الوجه كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Mes chers frères fillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que dans l'union il y a la miséricorde et dans la division il y a le châtiment. Les savants disent, comme Cheikh l'Islam ابن تيمية رحمه الله تعالى, que l'union, le fait d'être regroupé, dans cela il y a la miséricorde d'Allah. Les savants disent aussi il y a le fait que le serviteur va avoir le visage illuminé. Il y a aussi dans cela, dans l'union, le bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Par contre, dans la division, il y a le châtiment d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Dans la division, il y a le châtiment d'Allah. Et il y a aussi le visage sombre. Comment évoquer cela, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala? فالواجب علينا أيها الإخوة الكرام أننا نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على فهم سلف الأمة. نحن بحاجة ماسة إلى أننا نجتمع في منهجنا وفي عقيدتنا وغير ذلك. Le musulman et la musulmane, les musulmans sont dans un grand besoin de s'unir avec le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et cela à la compréhension des compagnons radiallahu anhum jami'an. Nous sommes tous dans un besoin de cela, de se remémorer cela. Et sachez, ayyuha al-ikhwa, que l'obligation du musulman, c'est le fait de se rassembler sur une seule voie, une seule croyance. وهذه عقيدتنا هذا الأصل عظيم جدا وقد ذكر العلماء رحمة الله عليهم جميعا أن الله تبارك وتعالى أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق قالوا هذا أصل عظيم وهذا أصل من أصول الإيمان هذا أصل من أصول الإسلام نحن بحاجة ماسة إلى العمل به أننا نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام Ce fondement, mes chers frères fil Allah, un fondement qui fait partie des fondements de l'islam, les fondements de la foi. Comme vous le savez, comme a évoqué Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, fi usul sitta, parmi les six fondements, ce fondement-là, le fait de se rassembler, Allah Jalla wa Ala a ordonné l'union et a interdit la division. Et cela fait partie des fondements énormes dans l'islam, les fondements de la foi. وكيف لو ربنا جل جلاله أمر بذلك في كتابه الكريم. Allah تبارك وتعالى dans son livre a ordonné le fait de se cramponner, de se réunir et de point se diviser. قال الله تبارك وتعالى في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ربنا هنا أمرنا أننا نجتمع نعتصم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر من الله جل وعلا لنا جميعا. أيها الإخوة أصغوا سمعكم لكلام ربكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. نهانا ربنا جل جلاله اننا نتفرق. قال الله بصيغه الخبر ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا أي كأهل الكتاب. ثم قال الله جل وعلا في آخر هذه الآية وأولئك لهم عذاب عظيم. Écoutez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuha al-ikhwa. La parole du Créateur Jalla Jalalu. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Dans le sens, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de se cramponner au câble d'Allah. C'est rapporté des sahaba radiallahu anhum jami'an. Certains ont dit At-Ta'a. Certains ont dit Al-Qur'an. Certains ont dit As-Sunnah. Certains ont dit Tawhid. Tout cela est rapporté des sahaba radiallahu anhum jami'an. Et comme dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, tout cela est authentique. Cramponnez-vous au câble d'Allah. Et ne vous divisez point. Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de se cramponner au Qur'an, à la Sunna, en étant obéissant envers Allah, envers le prophète alayhi salatu wa salam, en s'accrochant à la Sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Allah jalla wa ala nous ordonne cela, veut de nous cela. Tant l'oreille à khifillah. Écoute la parole d'Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et Allah nous interdit qu'on se divise. Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés après que l'épreuve soit apparue, et ceux-là, ils auront un grand châtiment. Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit la division sous la forme de l'information. Allah nous informe. Mais cela est sous la forme de l'interdiction. Ne soyez pas, c'est une interdiction de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme ceux qui se sont divisés, les gens du livre, après que les preuves leur sont venues. Wala takunu antum ummatan Muhammad. Oh vous, la communauté de Muhammad alayhi salatu wa salam, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés. Et regardez ce qu'Allah jalla wa ala nous dit à la fin du verset. Wa ulaika lahum adhabun adhim. Et Allah nous dit: et ceux-là, ils auront un énorme châtiment. Le châtiment divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man yutiq adhabullah. Qui peut supporter le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala? Ayyuha al-ikhwa, idha kunna nurid al-ijtima' ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah alayhi salatu wa salam wa ala fahmi salaf al-umma, فعلينا أن نتعلم العلم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجاهل كيف يجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الذي يعلم يتفقه في الدين هو الذي سيجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. C'est pour cela, من أسباب, parmi les grandes causes pour être dans l'union, pour entrer dans le groupe sauvé, pour être uni, les ulama disent, il faut apprendre la science religieuse. Celui qui apprend la science religieuse du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, lui va savoir comment se réunir. Mais l'ignorant, comment il peut se réunir alors qu'il ne sait pas comment se réunir? Al-jahlu da'un qatilun. L'ignorance est une maladie meurtrière. L'ignorance, à cause de l'ignorance, les gens se divisent, s'écartent de la sunna. والعلم أساس كل خير في الدنيا والآخرة كما قال ابن القيم رحمه الله. La science religieuse est la base de tout bien dans ce bas monde et l'au-delà. L'ignorance est la base de tout mal dans ce bas monde et l'au-delà. Comment l'ignorant, il parle, il colporte, il fait de la médisance, il ne connaît pas, il n'est pas connu, et il vient et il divise les gens. La division est une cause du grand châtiment d'Allah. Les gens de science, Ahlul ilm, Ahlul dhikr, Ahlul basira, Ulama'ul islam, Ulama'ul sharia, Ulama'ul millah, les savants de la droiture, les savants de la sunna, les savants du rappel, vers qui on revient, Ahlul ilm, Ahlul dhikr, les savants savent comment réunir. Ils connaissent les causes de l'union. Lorsqu'ils parlent, ils connaissent. Ils voient loin. Et ils orientent les jeunes à s'unir sur une seule croyance, un seul manhaj, une seule voie. C'est la voie qui est sauvée al-jama'a, comme a dit alayhi salat wa salam. Mes chers frères fillah, هذه النصيحة لي ولكم. الدين النصيحة, الدين النصيحة, الدين النصيحة. La religion est le conseil pur. La religion est la pureté, la religion est la sincérité. Cette religion, c'est le conseil. Je me conseille ainsi qu'à vous, mes chers frères fillah, wallah, de se tenir sur le livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi salat wa salam, et sur quoi étaient les compagnons. Si on ne sait pas, on revient à Ahlul Ilm. كما أمرنا ربنا جل جلاله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الذي لا يعلم يسأل أهل العلم أهل البصيرة أهل الذكر Celui qui ne sait pas demande aux savants. Attention aux ignorants, ceux qui propagent la discorde, la division. Faites attention, car son résultat sera le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyuna Muhammad alayhi salat wa salam قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وفي رواية إلا ملة واحدة قالوا وما هي يا رسول الله قال على ما أنا علي وأصحابي وفي رواية الجماعة الجماعة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعليكم بالجماعة فعليكم بالجماعة فعليكم بالجماعة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est authentique selon les savants, il dit que ma communauté va se diviser en 73 groupes. Tous en enfer, tous, excepté un groupe, une seule voix, un groupe. As-sahaba radiallahu anhum ont questionné le prophète alayhi salat wa salam et ils ont dit, ô messager d'Allah, c'est qui ce groupe? Yani le groupe sauvé de l'enfer. du châtiment d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, c'est sur quoi moi je suis et mes compagnons, et dans une version, قال عليه الصلاة والسلام الجماعة, le groupe, ceux qui sont unis dans la vérité. أيها الإخوة, عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه, il nous ordonne le groupe, d'être dans l'union, le groupe. فعليكم بالجماعة, فعليكم بالجماعة. Abdullah ibn Mas'ud nous ordonne, radiallahu anhu, wa huwa sahabi jalil, tenez-vous au groupe, tenez-vous au groupe, c'est-à-dire accrochez-vous au groupe, aux gens de la vérité, wa la shak, qu'Allah jalla wa ala ne va pas rassembler les gens, la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam, dans le faux, dans la vérité. Les gens vont se rassembler, la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam, ala al-haq al-mubin, sur la vérité claire, comme ont dit certains compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et il s'adresse à ses compagnons et à l'ensemble de la communauté. قال أوصيكم بالتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمل عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. Iyakum muhdathat al-umur. Le prophète alayhi salat wa salam s'adresse à ses compagnons, il leur a fait une exhortation. Et cette exhortation s'adresse aussi à la communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa salam dit dans le sens, je vous enjoins à la crainte d'Allah, l'écoute et l'obéissance, c'est-à-dire au gouverneur. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, nous informe, ceux qui vont vivre après, ils vont voir beaucoup de divergences. Wa huwa alayhi salatu wassalam sadiqul masduq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est connu pour sa véracité. Alayhi salat wa sallam. Et il dit, yani à ce moment-là, fa'alaykum bi sunnati. C'est l'ordre. Tenez-vous à ma sunna. Accrochez-vous à la sunna. Mordez cette sunna en plein dedans. Accrochez-vous. تمسكوا بها السنة فيها نجاة. Dans la sunna, il y a le sauvetage du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, prenez garde des inventions, des innovations, car toute innovation est égarement et tout égarement est en enfer. Regardez l'adilla à la khatali tafarruq. Regardez mes chers frères fillah, le danger, l'épreuve qui nous montre le danger de la division. Al wajib alayna an nakhaf min at tafarruq. L'obligation, c'est d'avoir peur de tomber dans cette division. Les gens se sont divisés dans la croyance. concernant le manhaj, ils sont divisés. Ils sont tombés dans shahawat, dans les passions, dans shubuhat. À cause de quoi? À cause de la division, car dans la division, c'est un mal. La division est un grand mal. Allah tabaraka wa ta'ala nous a enjoint. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de s'accrocher à la vérité, d'être unis, de vouloir l'union, de s'accrocher ilman wa amalan, avec science et application, non juste par la science de la langue, mais avec l'application par les membres. An yakun al muslim, que le musulman soit, ou bien son intérieur soit conforme à l'extérieur, et réciproque. Il ne faut pas que ça soit une prétention. Ayyuha al-ikhwa ijtami'u 'ala kitabillah tuflihu. Accrochez-vous au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salat wa salam, vous allez réussir. Ce conseil, je me le donne à moi ainsi qu'à vous, de s'efforcer d'appliquer le fait de s'unir, de vouloir l'union. Hada huwa rajulun salih. C'est lui l'homme pieux, il veut l'union entre les gens. Il cherche pas la division. Il cherche son but, son objectif. C'est que les gens soient sur une seule croyance, suivent réellement la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Fahdharu ashad al-hadar min at-ta'assub wal-iftiraq. Faites attention, ayyuha al-ikhwa. Le fait de suivre aveuglement, de suivre sans preuve, d'être fanatisme, ihdaru, faites attention. Tulidun al-khayr, tulidun al-salah, fa'alaykum an tajtami'u ala kitabillah وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الواجب أن تتعلموا دين الله وتتفقهوا في دين الله وترجعوا إلى كتاب الله وتعتصموا بحبل الله. هذه من الواجبات في دين الله تبارك وتعالى. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي أيها الإخوة، الواجب على الجميع إلى أن يعتصموا إلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، على فهم الأمة كما أمرنا ربنا جل جلاله في كتابه، وأمرنا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تتفرقوا. Allah Jalla wa Ala nous a informés par la langue du prophète alayhi salatu wassalam qu'Allah Jalla wa Ala agrée pour nous trois choses. Et parmi ces choses, le fait d'adorer Allah et de rien lui associer et de se cramponner au câble d'Allah, au Coran, à la Sunna du prophète alayhi salat wa salam, dans l'obéissance, dans la bonne croyance, l'unicité, et de point vous diviser. Wa inni ansah nafsi wa iyyakum annana nahdhar أشد الحذر من التفرق. وأحرصوا على السماع المواعظ والتوجيهات والنصائح من إخواننا. والله نحن في بلد خطير، إذا كنا لا نتذكر كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلوبنا ستموت. القلوب بيد الله تبارك وتعالى، القلوب بيد الله جل جلال، يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فعليك أن تكثر من قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Mes chers frères fillah, je m'enjoins ainsi que vous d'écouter les rappels, les conseils les orientations des frères, sachez que ici nous sommes tous dans un grand danger. Ici, dans ce pays, nous sommes tous dans un grand danger. L'importance, l'obligation d'écouter les conseils, les rappels des frères, les orientations, car dans le rappel, dans les rappels, dans les orientations, il y a le remède pour les cœurs. Car, mes chers frères fillah, qui détient les cœurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui peut tourner les cœurs comme il le veut? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il le veut, subhanahu wa ta'ala, il tourne les cœurs. Nahnu ala khatar. Ici, nous sommes dans un grand danger. Si on s'entretient pas avec le rappel d'Allah, des versets d'Allah, et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, nos cœurs vont mourir. Les cœurs vont mourir. Surtout ici. Afala takhafuna min Allah. Afala takhafu min Allah. Subhanallah. Combien des gens, leurs cœurs ont été tournés car Allah Jalla wa Ala a décidé cela. Pourquoi cela? Ils ont voulu la division, le mal, les péchés, le ma'asi wa dhunub. Tout cela sont des causes qu'Allah Jalla wa Ala tourne le cœur du serviteur. Car Allah Jalla wa Ala est juste. Si ton cœur dévie, sache que la cause, c'est à cause des péchés. Allah n'est pas injuste, il est juste. Subhanahu wa ta'ala. Personne n'est à l'abri. C'est pour cela les musulmans, les savants nous disent, surtout ici, il est dans un besoin énorme d'écouter les conseils, d'apprendre la science, de s'asseoir dans les cercles de science, d'écouter les rappels, de se rapprocher d'Allah, d'unifier Allah wa abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, istamir fi ibadatillah, wahdahu la sharika la. Adore ton Seigneur jusqu'à que la mort te vienne. La certitude, les savants sont unanimes, la mort. Où que tu sois, taqillah fi kulli makan. Crains Allah. Rappelle-toi. Enlève l'orgueil. Ici, tu es dans un grand danger. Personne n'est à l'abri. Même celui qui a de la science, il n'est pas à l'abri. Avec la dunya et les femmes, les gens sont distraits. Ils délaissent les obligations d'Allah, ils délaissent les mosquées. Ils délaissent les cercles de science. Donc le cœur s'endurcit avec les péchés. Ensuite, Allah Jalla wa Ala, s'il le décide, alors il fait dévier son cœur. Et si Allah Jalla wa Ala décide que le cœur de la personne soit déviant, kun fayakun. Rappelez-vous Allah tabaraka wa ta'ala. Écoutez les rappels des frères. Moi le premier. Soyez assidus et faites attention aux rappels qui tuent les cœurs. La médisance. Colportation. Appelez un hizb. Des paroles sans profit. Assis-toi avec celui qui te rappelle Allah tabaraka wa ta'ala. Prends comme ami celui qui te rappelle Allah jalla wa ala. Lorsqu'il t'évoque le verset, ton cœur frémit. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى حتى نلقى الله. نسأل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ارحمنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم الأرض عليك يا رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من هداة المهتدين ومن عباده الصالحين، ولا الضالين ولا مضلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.